Lettre 4. Sur les ouvrages politiques de Rousseau. De tous les objets offerts à la méditation, la constitution des gouvernements est sans doute le plus important, comme le plus difficile à connaître. Le législateur qui saurait former un corps politique, lier ses membres par un intérêt commun et immuable, rassembler dans sa pensée tout ce que le choc des passions des hommes, la réunion de leurs facultés, l'influence des climats, la puissance des empires voisins, pourrait jamais produire d'inconvénients ou d'avantages. Celui qui saurait contenir et diriger par des lois faites pour durer toujours le peuple soumis à son génie, se serait associé, pour ainsi dire, à la gloire de la création du monde, en donnant à ses habitants des lois universelles et nécessaires, comme celles de la nature. Mais l'esprit humain n'a point fait, en un moment, le pas immense de l'état sauvage à l'état civilisé. Les idées se sont lentement développées. Les circonstances ont quelquefois fait naître des institutions si heureuses que la pensée doit en envier la gloire au hasard. La plupart des gouvernements se sont formés par la suite des temps et des événements, et souvent la connaissance de leur nature et de leurs principes a plutôt suivi que précédé leur établissement. L'ouvrage, donc, qui nous fait bien connaître les premières bases du contrat social, qui fixe les vrais fondements de toute puissance légitime, est aussi utile que digne d'admiration. Tel est le plan et le but du livre de Rousseau. Il démontre qu'aucune convention ne peut subsister qui soumette l'intérêt général à l'intérêt particulier, qu'il est insensé de croire qu'une nation doive obéir à des lois qui sont contraires à son bonheur, et que, sans son consentement, aucun gouvernement puisse être établi ni maintenu, que la dépendance du plus fort à l'égard du plus faible est contraire à la raison comme à la nature, et qu'enfin, l'idée d'un état despotique est encore plus absurde que révoltante. Mais, ce gouvernement excepté, les monstres ne sont pas comptés parmi les hommes. Il n'en est point que Rousseau ne justifie. Il remonte à l'origine de toute autorité sur la terre, et prouve même que la monarchie établie par la volonté générale, fondée sur des lois que la nation seule a le droit de changer, est un gouvernement aussi légitime et peut-être meilleur que les autres. J'oserais blâmer Rousseau cependant de ne pas regarder comme libre la nation qui a ses représentants pour législateurs et d'exiger l'assemblée générale de tous les individus. L'enthousiasme est permis dans les sentiments, mais jamais dans les projets. Les défenseurs de la liberté doivent se préserver de l'exagération. Ses ennemis seraient si heureux de la croire impossible. Le plan de l'ouvrage de Montesquieu est sans doute plus étendu que celui du contrat social. Toutes les lois qui ont été faites y sont examinées, et mille biens de détails peuvent résulter encore de ce livre si remarquable par les idées générales. Mais Rousseau ne s'est occupé que de la constitution politique des États, de celui qui a le pouvoir de donner des lois, non des lois elles-mêmes. Montesquieu est plus utile aux sociétés formées. Rousseau le serait davantage à celles qui voudraient se rassembler pour la première fois. La plupart des vérités qu'il développe sont spéculatives. On doit, j'en conviens, accorder plus d'admiration à celui qui crée un système, même imparfait, mais possible, qu'au philosophe qui, luttant contre la nature seule des choses, offre un plan sans défaut à l'imagination. Mais peut-être faut-il avoir administré soi-même pour renoncer au bien idéal, pour se résoudre à placer le mieux qu'on peut obtenir à côté du mal qu'on doit supporter, pour se borner à faire lentement quelques pas vers le but qu'on atteint si rapidement par la pensée. Enfin, peut-être faut-il avoir observé de près le malheur des peuples, pour regarder encore comme une gloire suffisante le léger adoucissement que l'on apporte à leurs maux. Qu'on place donc, au-dessus de l'ouvrage de Rousseau, celui de l'homme d'État dont les observations auraient précédé les théories, qui serait arrivé aux idées générales par la connaissance des faits particuliers, et qui se livrerait moins en artiste à tracer le plan d'un édifice régulier qu'en homme habile à réparer celui qu'il trouverait construit, mais qu'on accorde cependant un grand tribut de louange à celui qui nous a fait connaître tout ce qu'on peut obtenir par la méditation, et qui, s'étant saisi d'une grande idée, l'a suivie dans toutes ses conséquences jusqu'à sa source la plus reculée. Rousseau emprunte la méthode des géomètres pour l'appliquer à l'enchaînement des idées. Il soumet au calcul les problèmes politiques. Il me semble qu'il fait admirer également la force de sa tête, soit par ses raisonnements, soit par la forme de ses raisonnements mêmes. La conception de la haute métaphysique ne demande pas une puissance d'attention surnaturelle. Comme les bornes n'en sont pas connues, la précision n'y est pas nécessaire. Mais quand on veut traiter d'une manière abstraite des sujets dont la base est réelle, c'est alors que toutes les facultés humaines peuvent à peine suffire pour s'élever sans perdre son objet de vue et décrire dans le ciel le cercle qui doit être répété sur la terre. Mais ce n'était point assez d'avoir démontré les droits des hommes. Il fallait, et c'était surtout là le talent de Rousseau, il fallait, dans tous ses ouvrages, leur faire sentir le prix qu'ils doivent y attacher. Peut-être est-il quelquefois impossible au génie de transmettre toutes ses idées à tous les esprits. Mais il faut qu'il entraîne par son éloquence. C'est elle qui doit émouvoir et persuader également tous les hommes. Les vérités auxquelles la pensée seule peut atteindre ne se répandent que lentement, et le temps est nécessaire pour achever la persuasion universelle. Mais les vérités de sentiment, ces vérités que l'âme doit saisir, malheur au talent qui n'enflamme pas pour elle à l'instant qu'il les présente. Je l'aime aussi de toute la force et de toute la vivacité de mes premiers sentiments, cette liberté qui ne met entre les hommes d'autres distinctions que celles marquées par la nature. Et m'exaltant avec l'auteur des Lettres de la montagne, je la voudrais telle qu'on la conçoit sur le sommet des Alpes ou dans leurs vallées inaccessibles. Maintenant, un sentiment plus fort, sans être contraire, suspend toutes mes idées. Je crois au lieu de penser. J'adopte au lieu de réfléchir. Mais cependant, je n'ai sacrifié mon jugement qu'après en avoir fait un noble usage. J'ai vu que le génie le plus étonnant était uni au cœur le plus pur et à l'âme la plus forte. J'ai vu que les passions, ni le caractère, n'égareraient jamais les facultés les plus sublimes dont un homme ait été doué. Et après avoir osé faire cet examen, je me suis livré à la foi pour m'épargner la peine d'un raisonnement qui la justifierait toujours. Vous, grande nation, bientôt rassemblée pour consulter sur vos droits, étonnée de vous retrouver après 2 siècles, et peu faite encore peut-être à l'exercice du pouvoir que vous avez obtenu de nouveau, je ne vous demande pas ce sentiment aveugle dont j'ai fait ma lumière. Mais ne vous défiez pas de la raison. Et puisque la succession d'événements qui ont agité ce royaume depuis 2 années vous a enfin amené à devoir au progrès seul des Lumières les avantages que les nations n'ont jamais acquis que par des flots de sang, n'effacez point le sceau de raison et de paix que le destin veut apposer sur votre constitution. Et quand l'accord unanime vous permet de compter sur le but que vous voulez atteindre, prétendez à la gloire de l'obtenir sans l'avoir passé. Note. Cette prière, hélas inutile, a été publiée 6 mois avant l'ouverture des États généraux en 1789. Fin de note. Et toi, Rousseau, grand homme si malheureux, qu'on ose à peine te regretter sur cette terre que tes larmes ont tant de fois arrosées, que n'es-tu le témoin du spectacle imposant que va donner la France ? D'un grand événement préparé d'avance, et dont, pour la première fois, le hasard ne se mêlera point. C'est là peut-être, c'est là que les hommes te paraîtront plus dignes d'estime. Ou je me trompe, ou nulle passion personnelle ne doit maintenant les animer. Ils ne mettront en commun que ce qu'ils ont de céleste. Ah, Rousseau, quel bonheur pour toi, si ton éloquence se faisait entendre dans cette auguste assemblée! Quelle inspiration pour le talent que l'espoir d'être utile! Quelle émotion différente quand la pensée, cessant de tomber sur elle-même, peut voir au-devant d'elle un but qu'elle peut atteindre, une action qu'elle produira. Les peines du cœur seraient suspendues dans de si grandes circonstances. L'homme occupé des idées générales disparaît à ses propres yeux. Renais donc, ô Rousseau, renais donc de ta cendre, parais, et que tes vœux efficaces encouragent dans sa carrière celui qui part de l'extrémité des maux, en ayant pour but la perfection des biens, celui que la France a nommé son ange tutélaire, et qui n'a vu dans ses transports pour lui que ses devoirs envers elle, celui que tous doivent seconder, comme s'il secourait la chose publique. Enfin, celui qui devait avoir un juge, un admirateur, un citoyen comme toi. Note, M. Necker, alors Premier ministre. Fin de note.